Dieu dans le ciel. Il vit en moi, je suis son temple. Sa parole est oui et amen. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, je lui dis amen. Pour tout ce qu'il fera, je lui dis amen. Pour les destins qu'il a tracés pour ma vie, je dis ainsi soit-il. Tu es assis dans ta gloire, les dieux de paix. Tu nous Amen à sa majesté Jésus le roi des rois. Amen à l'agneau de Dieu assis sur son trône. Amen au Fils de Dieu élevé dans sa gloire. Amen à celui qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha. El Shaddai, sainteté à ton nom. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à Elohim, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Adonai, Shiloh, Yoshua HaMashiach.